Moi, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que si on se rapportait à ce qui est notre mot d'ordre, c'est-à-dire l'eau n'est pas une marchandise, eh bien, il y aurait la plupart des modes de gestion de l'eau n'existeraient pas. Et un seul mode existerait, c'est la régie, puisque tous les autres modes de gestion de l'eau sont des modes de gestion dans lesquels des entreprises privées ou même des collectivités qui prennent le statut d'entreprise privée, eh bien, prélèvent des profits pour distribuer à des actionnaires. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. Alors, cette situation s'est aggravée. Si vous voulez, à l'origine, il n'y avait que de la régie. Toutes les distributions d'eau potable et d'assainissement se faisaient en régie. Et c'est en 1853 qu'ont été créées les deux premières, la première société privée qui était la Compagnie Générale des Eaux et qui a été créée à Lyon. Et ça n'a d'ailleurs pas été une réussite puisque quelques années après, la ville de Lyon a remarqué que cette compagnie eh bien, ne respectait pas ses contrats. Et donc, pratiquement 5 ans après, la ville de Lyon a essayé de se séparer de son concessionnaire et a mis beaucoup de temps pour y arriver. Et puis, donc, s'est transformé en régie. Et malheureusement, en 86, sous l'effet du lobbying, eh bien, est redevenue une délégation de services publics qui, elle, englobe tout le Grand Lyon, c'est-à-dire 58 communes. Alors, cette situation, moi, je la dis catastrophique parce que, voyez, est-ce qu'on peut concevoir que dans un pays, le prix de l'eau aille de 1 à 7, que les réseaux fuient à plus de 30%, et spécialement d'ailleurs dans les villes en délégation de services publics parce qu'ils sont mal entretenus, et que cette situation soit là parce que les élus ont voulu se débarrasser sciemment de leur service de l'eau, au titre que, eh bien, pour un élu, on leur disait, et je crois c'est vrai, de toute façon, c'est pas valorisant pour un élu, que l'eau soit bonne et pas chère, on la trouvera toujours un goût de Javel, et on lui trouvera toujours qu'elle est trop chère. Voilà, donc, cette situation, c'est celle des délégations de services publics, proviennent de contrats signés entre la collectivité et un délégataire. Alors que ce qui permet, si vous voulez, qui crée une dissociation entre le pouvoir politique et les usagers. Alors qu'en régie, avec une régie, eh bien, le contact est beaucoup plus direct et les gens, les usagers, notamment quand les communes ont gardé la gestion de l'eau, savent directement à qui s'adresser. Parce qu'un autre défaut actuellement de la gestion de l'eau en France, c'est que les communes peuvent soit garder elles-mêmes leur gestion, soit de l'eau, et de l'assainissement d'ailleurs, soit se regrouper sous forme d'intercommunalité. Et c'est l'intercommunalité à ce moment-là qui se comporte d'ailleurs comme la commune toute seule et qui peut soit gérer elle-même son service de l'eau, soit le confier à une délégation de services publics. Alors vous voyez que dans les intercommunalités, la dissociation, enfin le fait de manque de contact entre l'usager et entre l'usager et la collectivité devient beaucoup plus grande. Puisque il y a deux échelons de différence. Il faut savoir aussi que dans les intercommunalités, les politiques qui gèrent ces intercommunalités ne sont pas élus directement. Donc, vous avez des gens qui sont là, qui sont en poste et qui sont totalement déconnectés. Personne ne les connaît. Et pire, vous avez des gens qui ne savent même plus par qui l'eau est gérée. Voilà. Et ça a été voulu sciemment par les élus, si vous voulez, de se séparer de ça comme un fardeau, comme quelque chose à cacher, comme une mauvaise maladie. Et d'ailleurs, dans les délégations de services publics, eh bien, les élus ont mis dans les contrats que la gestion de la clientèle, voyons, on n'est plus des usagers, c'est la clientèle. Eh bien, la clientèle est confiée aux délégataires. Et la facture ne comporte même plus le nom de la collectivité, elle ne porte que le nom de Veolia ou les trois grands, hein, Veolia, la Lyonnaise ou la Sorgue. Donc, nous, en tant qu'association, on est violemment opposés à ces délégations de services publics qui, entre autres, vendent de l'eau. Hein, là, c'est ça, elles ne la distribuent pas, elles la vendent. Hein, la vendent entre 23 et 44% plus cher que les régies. Donc, à Lyon, on en a un excellent exemple, puisque la distribution d'eau potable a été gardée en délégation, a été mise en délégation de services publics, d'ailleurs aux deux, à Veolia et à la Lyonnaise, et il se trouve que c'est la troisième plus chère de France. Par contre, l'assainissement est resté en régie, et c'est le moins cher de France. Alors, et le Grand Lyon, nos élus, ne voulant pas reconnaître ça, et d'ailleurs pas le reconnaître dans la suite, en disant « Mais pourquoi vous restez dans ce type de gestion? Pourquoi vous ne reprenez pas la distribution d'eau potable ?» Eh bien, ils ne donnaient jamais les performances de leur régie d'assainissement. Et quand ils donnaient un prix de l'eau, ils donnaient un prix global. C'est-à-dire que les excès de prix de la délégation de services publics était atténué par le fait que l'assainissement était moins cher. Alors, Marc Lémé a dit que certaines formes, nouvelles formes apparaissent, enfin plus ou moins nouvelles, parce que la SEM, les sociétés d'économie mixte, existent depuis longtemps, et là, ce sont des collectivités qui se mettent dans des formes de gestion sous forme de société anonyme. Là, on est carrément où la collectivité se transforme en une entreprise avec des actionnaires. Et d'ailleurs, ça a permis dans certains cas où on ne voulait plus les priver pour gérer, de les faire rentrer comme actionnaires cachés dans les sociétés d'économie mixte. Vous voyez ? Donc là aussi, les élus avaient une sorte de... se cachaient, si vous voulez, pour se débarrasser de leurs responsabilités. Et le dernier mode qui vient d'apparaître, ce sont les SPL, les sociétés publiques locales. Alors là, on est franchement opposé à ça. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces régies, dans la régie, vous voyez, on peut mettre les usagers dans les conseils d'administration et dans les conseils de gestion. Alors que dans les SEM et les SPL, on ne peut plus les mettre. Et on ne comprend pas pourquoi des collectivités peuvent passer d'une forme à l'autre. C'est passé de Karim Bansila, on ne gagne rien à ça. Alors, pour nous, usagers, ce qui motive notre refus des délégations de services publics et des SPL et des SEM, c'est le fait d'abord qu'elles écartent les usagers directement de la gestion. Et d'autre part, c'est qu'en général, pour dégager des profits, elles ont des gestions qui font apparaître un prix de l'eau plus élevé. Donc, les affaires sont simples, vous voyez. À Lyon, il y a un combat énorme actuellement, puisque les contrats vont se terminer en 2015. Mais, voyons, on nous a déjà dit que de toute façon, le choix du mode de gestion ne serait pas forcément fait sur un mode économique, c'est-à-dire en prenant en compte l'économie et de la qualité de service pratiquement des usagers. On nous a dit de toute façon ce sera une décision politique. Et donc la commission consultative des usagers n'aura qu'à valider ou non le choix politique qui aura été fait et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. Moi, j'engage tous les gens à rentrer dans des associations pour défendre leur point de vue d'usager et exiger de partout que le retour à la régie, qui est le seul mode de gestion où ils pourront intervenir, et le seul mode de gestion qui leur garantira une transparence des comptes, puisque dans les gestions DSP, les comptes sont totalement opaques, c'est d'une opacité énorme. Les contrats sont léonins, c'est-à-dire complètement déséquilibrés en fonction de... en faveur des délégataires. La chose aussi qui est absolument incroyable, c'est que le prix de l'eau est complètement déconnecté dans les délégations de services publics. Le prix de l'eau est totalement déconnecté de la gestion réelle. C'est-à-dire que dans le contrat, vous avez un prix de l'eau qui est indexé sur une formule assez compliquée. Cette formule ayant un avantage pour le délégataire, c'est qu'elle est inflationniste. Donc, tous les ans, cette formule, on recalcule le résultat d'un coefficient et on multiplie le prix initial de l'eau par ce coefficient, on a le nouveau prix et la formule est bâtie de telle manière que vous ayez une augmentation du prix de l'eau entre 3 et 5% par an. Alors, avec des contrats de très longue durée, les contrats exploseraient et les gens, si vous voulez, exploseraient aussi. Alors, tous les 5 ans, eh bien, on révise le prix, c'est-à-dire qu'on le baisse, hein, ça doit être fait avec des sondages d'opinion, quoi. On baisse le prix de l'eau et après ça repart à la hausse suivant la même formule. Eh bien ça, c'est absolument inadmissible de gérer un service public avec un mode d'appréciation et de fixation du prix qui n'a rien à voir avec le mode de gestion. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, c'est par le lobbying et par une sorte de dénigrement du service public. Vers les années 50, il était de bon ton, et ça l'est d'ailleurs, de dire que les agents territoriaux et les fonctionnaires étaient une bande de fainéants, qu'ils étaient manipulés par les syndicats et managés par des élus qui ne connaissaient pas le management. Alors, ces lobbies sont arrivés, les lobbies des Veolia, tout ça, et ils ont dit... Prenez-nous, signez des contrats avec nous et vous allez voir, tout va changer. Vous allez voir les gains de productivité et on va traiter vos usagers comme des clients, c'est-à-dire qu'ils seront mieux traités si on met comme hypothèse qu'un client, de traiter comme client, c'est meilleur que d'être traité comme usager. Qu'est-ce qui est arrivé au bout de 20 ans, et maintenant on le voit? Eh bien, que les gains de productivité, effectivement, ont été réalisés, mais si vous voulez, le bénéfice des gains de productivité, c'est le fermier qui les a pris dans sa poche, alors que pour ceux qui sont restés en régie, et c'est ce qui s'est passé à Lyon, 30 ans plus tard, pourquoi Lyon, qui a d'ailleurs eu les mêmes gains de productivité, c'est-à-dire, malheureusement, qui a licencié le même nombre de personnes en régie que les gens en DSP, eh bien, à l'assainissement le moins cher de France parce que les gains de productivité ont été répercutés sur la facture des usagers. Voilà, donc, le mot d'ordre, retour en régie de partout et tenez la jambe à vos élus pour qu'ils appliquent ça. Merci Jean-Louis. Martin. Oui, bonjour. Je vais très brièvement me présenter. Donc, Martin Pigeon, je travaille pour une ONG bruxelloise qui s'appelle Corporate Europe Observatory, Observatoire européen des entreprises. La mission principale de cet organisme est d'étudier la capture réglementaire de la législation européenne par les entreprises. Donc on étudie le lobbying concrètement, le lobbying des grandes multinationales. On a quelques campagnes thématiques pour illustrer ce phénomène-là, et l'eau en a été une pendant très longtemps, et c'est une campagne un peu à part pour nous parce qu'elle nous a fascinés, disons. Donc on a depuis quelques années, on a aussi beaucoup travaillé sur les alternatives à la privatisation. On est venu, comme tout le monde, un peu de la critique de la privatisation. On a étendu le sujet en se disant, bon, on ne peut pas rester dans une posture strictement défensive, il faut pouvoir proposer des choses. Donc ça a donné en 2009 ce petit leaflet là, qui s'appelle « Vers une gestion publique et progressiste de l'eau en Europe » et dont je vais parler un peu plus tard, qui en fait recense à l'échelle européenne quelques exemples, ça n'a aucune prétention d'exhaustivité, quelques exemples de gestion qui sont vraiment remarquables pour un certain nombre de critères que nous avons définis nous-mêmes avant, à savoir une préoccupation écologique, une préoccupation sociale, une durabilité dans les financements, etc. Récemment, on a travaillé très rapidement sur les deux dernières années, en fait, j'ai travaillé sur la remunicipalisation donc sur le changement et le retour en gestion publique à l'échelle mondiale en fait. On a pris un cas par continent et on a vraiment étudié dans le détail qu'est-ce qui se passait pour voir. On avait un même, parce que c'est un phénomène qui a lieu qu'on observe vraiment à l'échelle mondiale avec des raisons différentes et quelques schémas récurrents dont je vais parler un petit peu. Donc ça a donné le livre que voici qui est sorti en début de semaine. Très rapidement, pour introduire ceci, la remunicipalisation, ce qu'on a observé, c'est que la raison principale, c'est le coût. Simplement, quand les autorités publiques font correctement leur boulot et qu'elles font une estimation correcte de l'allocation des risques et de l'allocation des coûts, elles se rendent compte que ça leur coûte simplement moins cher de faire ça en gestion directe ou en gestion publique. Et donc elles reviennent en gestion directe. Ce n'est pas forcément facile, c'est pas forcément rapide, mais c'est la raison principale. Est-ce que c'est une raison suffisante ? Je pense que Jean-Louis vient de vous expliquer que non, pas nécessairement, parce qu'on peut se retrouver tout à fait en gestion publique, mais avec des gens qui pensent depuis 20 ans en des termes de performance privée. Donc, en termes de recouvrement intégral des coûts, par exemple, ou en termes de d'efficacité microéconomique, où on va utiliser des indicateurs, par exemple, comme la quantité d'eau produite par travailleur ou des choses comme ça, qui sont vraiment une vision par le petit bout de la lorgnette de ce que peut être un service public de l'eau. Sur la question des formes juridiques de cette gestion maintenant, je vous avoue que pour nous, la question de la forme, elle est importante, mais elle n'est pas fondamentale au sens où c'est peut-être à force de travailler sur le lobbying qu'on finit par raisonner comme ça, mais pour nous, le droit est plutôt l'expression de la force que l'inverse. C'est-à-dire que le droit suit les rapports de force, et donc les rapports de force, ça précède le droit, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quelques exemples très rapidement et extraits de ce petit bouquin là pour vous donner un peu une idée de ce qui se fait en fait au niveau européen. Un premier cas qu'on a sur lequel on a beaucoup travaillé, que vous connaissez probablement, c'est le cas de Grenoble. Donc c'est une remunicipalisation assez célèbre qui a eu lieu en 2001, qui a utilisé pour ça une régie à personnalité juridique et autonomie morale. Donc c'est le même schéma qui a été appliqué à Paris là en 2010. Où on a une entreprise, enfin qui n'est pas une entreprise, mais qui est une forme, si, qui est quand même une entreprise, qui a un budget séparé de la municipalité. Donc on a une autonomie de gestion. Ce qui a des bons côtés, parce que ça permet, si vous voulez, de lisser les coûts et de lisser les investissements sur la longue durée, et d'avoir une espèce d'indépendance vis-à-vis des aléas de la gestion politique. Ça a aussi le problème de sa qualité, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens, comme disait Jean-Louis, qui sont des gens que personne ne connaît, qui sont des technocrates, facilement des ingénieurs, qui ont une vision des choses uniquement en termes techniques. Alors à Grenoble, ils étaient assez conscients de ce problème-là, ils ont essayé d'élargir en fait, ils ont essayé d'élargir le conseil d'administration concrètement à des représentants de la société civile, à des associations d'usagers, etc. C'est le cas aujourd'hui. Mais c'est pas le cas, ça n'a pas été fait à la hauteur de ce qui était espéré. C'est-à-dire qu'à l'époque, le projet de la municipalité était de restreindre les gens qui étaient nommés par le conseil municipal à seulement un tiers, et le reste aurait dû être nommé par la société civile. Ça, c'était pas possible. C'était pas possible à cause de la loi, en fait, sur les régies qui était parues. Bon, je suis pas un expert de la loi. Peut-être que d'autres parmi vous pourront renseigner davantage là-dessus. Si on regarde le cas d'Amsterdam maintenant, Amsterdam c'est un cas intéressant, c'est une gestion publique directe, mais c'est une structure qui est radicalement différente de la ville d'Amsterdam. C'est une fondation, publique, et c'est une fondation qui s'occupe de tout dans le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'elle commence par la protection contre les inondations, la protection de la ressource, au niveau des canaux, au niveau des égouts. Enfin, quand on habite à Amsterdam, je vous assure que la protection contre les inondations, c'est un sujet très sérieux. Aux Pays-Bas, la privatisation de l'eau est interdite par la Constitution, parce que c'est une question de noyade ou pas, hein, pour le pays. Donc c'est, à partir de là, ça permet de faire des choses. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'autres entreprises publiques au niveau en Hollande de se comporter vraiment comme des entreprises privées aussi, dans le mode de gestion, etc. Donc ça, c'est un problème sur lequel on reviendra. Un autre cas qui est qui est très intéressant à Amsterdam, c'est une fondation annexe qu'ils ont créée qui s'appelle World WaterNet et qui est en fait le spécialiste mondial dans les partenariats public-public. Ça fait 30 ans qu'ils font ça et qui sont en fait qui travaillent sur les partenariats de solidarité. Vous savez que le grand drame de la coopération, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que les grandes institutions de développement international, la Banque mondiale, mais aussi l'Union européenne et aussi la France, ont des aides qui sont des aides conditionnées, c'est-à-dire que, ok, on veut bien vous filer de l'argent pour vous aider, mais en échange, vous privatisez et vous vendez vos entreprises à nos entreprises, tiens, coïncidence. Voilà, eux ils font le contraire, c'est-à-dire qu'eux ils se battent, et ça c'est très grave parce que ça veut dire que du coup vous avez tout un tas de gens dans les pays du Sud qui sont extrêmement méfiants de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un espèce de boy scout honnêteté de bonnes intentions qui vient vous les aider. Mais attendez, ok, vous devez vous aider, mais vous aidez qui exactement? Vous-même, vos entreprises? Donc c'est très grave pour la solidarité parce que on détruit la confiance en faisant ça. Donc Amsterdam se bagarre contre ça et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Pour revenir toujours en Europe du Nord, à Munich maintenant, ça c'est un exemple que je trouve très, très intéressant parce que c'est un exemple où, alors c'est pareil, c'est une société qui est indépendante du conseil municipal. Donc il y a un biais technocratique, etc. Mais quand même, ils arrivent, si vous voulez, à intégrer dans leur gestion la gestion de la ressource. Et l'intérêt, c'est qu'ils font ça depuis très longtemps. Ils font ça depuis 30 ans eux aussi, parce qu'ils avaient un gars qui était un visionnaire à l'époque, qui a vu que comme partout en Europe, il y avait un problème de coût croissant à cause de la pollution aux nitrates et aux pesticides. Est-ce que je ne parle pas trop vite pour les traducteurs? Excusez-moi. Ça va? Right. Ouais, merci. Non, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient ce problème de pollution agricole et ils se sont dit, bon, il n'y a aucune raison pour que cette tendance s'inverse, ça va nous coûter de plus en plus cher, alors on va faire le contraire. On va faire des partenariats, en fait, avec les agriculteurs qui sont autour des points de captage pour les financer, pour qu'ils fassent du bio. On va travailler sur la filière avec les cantines, etc., pour qu'ils aient un débouché, qu'ils n'aient pas de problème de revente, etc., parce qu'on parle d'une époque où la certification biologique n'existait pas. Et alors l'intérêt, c'est qu'avec 30 ans de recul, et c'est une échelle de temps pertinente pour ces questions-là, on se rend compte que ça a coûté beaucoup moins cher à la ville de faire ça que de payer le coût de la dépollution. Alors ça, c'est le contre-exemple parfait pour les multinationales, si vous voulez. C'est l'exemple dont elles ne veulent pas entendre parler, parce que le fond du business de ces entreprises-là, c'est de vendre des filtres. Vous voyez ? Donc si on élimine la nécessité du filtre, eh bien, elles sont hors-jeu, elles sont inutiles, elles sont plus pertinentes. Vienne, bon, très rapidement, c'est la même chose, ils sont sur le même fonctionnement, c'est le fonctionnement à l'allemande, entreprise publique, indépendante, qui arrive à intégrer comme ça l'aménagement du territoire et la protection des zones de captage dans ses coûts aussi. Toujours en Autriche, alors là c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est un exemple de gestion totalement démocratique de l'eau. C'est un exemple à petite échelle, ça, la question de l'échelle est importante. Un exemple qui s'appelle Gramastetten, qui est une structure qui existe depuis 1947, qui regroupe 2000 personnes, qui n'est gérée que par des bénévoles, et donc le contrôle qualité et la formation des bénévoles est assuré par l'association régionale des coopératives locales, parce qu'on est dans un pays montagneux, hein, donc on a beaucoup de petites zones comme ça, à très petite échelle, où là vous avez une qualité qui rivalise avec l'eau de source, et qui ne coûte quasiment rien. Enfin, ça coûte exactement 1 850 € tous les 10 ans. C'est le coût d'entrée en fait dans la coopérative. C'est lié en fait à la propriété foncière, la gestion de cette coopérative-là. Un dernier exemple, c'est le cas de Cordoue en Espagne, qui est là. Pour le coup, on est aussi dans une perspective de gestion démocratisée, pas aussi démocratique qu'à Gramastetten, mais en tout cas avec une vraie préoccupation de cet ordre-là. Là, on est dans une ville qui fait 400 000 habitants, donc on est déjà dans une très grande structure avec un réseau centralisé. Une entreprise publique aussi qui est séparée du conseil municipal, avec une forte dimension participative. Et une application notamment des conseils de quartier. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est l'exemple même du fait que quand on demande aux gens d'être responsables de quelque chose, ils finissent par se comporter aussi de façon responsable, y compris dans leur consommation et dans la façon dont ils gèrent, dont ils utilisent l'eau. Par exemple, la Cordoue, c'était en 2004 ou 2005, je crois, en Andalousie, il y avait eu une très forte sécheresse. Et Cordoue a été la seule ville dans toute la région à ne pas devoir utiliser de mesures d'urgence, parce que les gens avaient compris déjà, avaient anticipé en fait, avaient intégré la question de la sécheresse dans leur pratique quotidienne, parce qu'eux-mêmes sont amenés à s'intéresser à la gestion de l'eau au quotidien en fait. Donc pour eux, c'est quelque chose qui existe, c'est pas un technocrate lointain qui s'occupe de ça, c'est une question personnelle aussi. Quelques mots pour conclure là-dessus. Au niveau européen, parce qu'on a quand même un peu les enjeux et les problèmes. Donc, au niveau européen, on a une couverture qui est presque totale. Donc, on n'a pas les problèmes auxquels on assiste dans les pays du Sud. On n'a pas le problème dramatique de vie ou de mort qui est créé par l'accès ou non à une eau potable. On a une performance technique en général qui est bonne, qui n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être, mais quand on compare avec d'autres services équivalents en Afrique ou en Asie du Sud-Est par exemple, c'est quand même le jour et la nuit. Il y a quand même une bonne prise en compte des aspects pas partout. Là-dessus, le monde germanique et anglo-saxon et le monde latin sont deux réalités assez différentes par rapport à cette prise en compte de la gestion environnementale, mais quand même ça existe, c'est là. Le problème, et ça c'est un problème qui vient aussi de l'Union européenne, c'est plutôt la dimension sociale. C'est le fait que le financement de toutes ces structures-là vient principalement par la facture, et que cette facture-là n'est pas financée par les revenus des gens, comme pourrait l'être l'impôt sur le revenu par exemple, mais elle est indexée sur la consommation. Et ça, c'est pas quelque chose qui... Alors, vous savez, c'est toujours cet argument-là, très néolibéral, qui dit que quand on fait payer les gens pour un produit, du coup, ils font attention à leur consommation et du coup, ils en consomment moins. L'expérience montre que c'est pas vrai, en fait. C'est vrai uniquement pour les gens qui vivent, qui remplissent leur piscine et qui lavent leur bagnole avec ça. Donc, ils sont des très gros consommateurs. Mais c'est pas vrai pour les familles, par exemple, c'est pas vrai pour les foyers domestiques. Ou en tout cas, si c'est vrai, c'est epsilon quoi, par rapport à la réduction des consommations qu'on observe aujourd'hui en Europe de l'Ouest, qui est principalement due en fait à la désindustrialisation et à une efficacité supérieure des appareils d'électroménager. Donc faut quand même répéter ça, la culpabilisation de l'usager, y compris pour des raisons environnementales, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Et ça sert en plus une perspective de gestion qui, à mon avis, est tout à fait contraire à ce qui nous intéresse ici. Et j'en terminerai là.